Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour et bonne année à tous. Nous commençons notre émission avec le tropaire de la fête de la Théophanie, celle du baptême du Christ dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste, fête que notre Église a célébrée hier, et ce sera bien sûr le 19 pour ceux des orthodoxes qui suivent le calendrier julien. Voici le texte de la Politikion que chante la chorale byzantine de Georges Kakoulidis. Ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, a manifesté l'adoration due à la Trinité. La voix du Père te rendit témoignage en t'appelant Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous la forme d'une colombe, a confirmé la vérité de cette parole. Christ Dieu, qui est apparu et qui a illuminé l'univers, gloire à toi. Maintenant, un grand événement que nous attendions depuis longtemps, c'est-à-dire la réédition d'un grand livre. Il s'agit de l'ouvrage de Vladimir Lossky intitulé « À l'image et à la ressemblance de Dieu », recueil d'études publié pour la première fois en 1967 chez Aubier et maintenant disponible grâce à cette réédition aux éditions du CERF. Pour en parler, nous recevons le père Nicolas Lossky, lui-même professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, professeur émérite à l'Université de Paris 10 et fils de l'auteur. Père Nicolas, ce livre, organisé en 12 grands chapitres, contient des textes très importants sur les grands sujets de la théologie orthodoxe. Mais avant de parler du contenu, je voudrais vous demander quelles étaient les circonstances de sa rédaction. Vladimir Lossky était un penseur orthodoxe, spécialiste de la théologie médiévale. Nous connaissons son étude sur Maître Eckhard. À quel public s'adresse-t-il avec cette série d'études? En fait, ce livre rassemble un certain nombre d'études de périodes différentes et donc adressées à des publics différents. Par exemple, la toute première étude, l'apophase et la théologie trinitaire, est un texte qui a été une conférence proposée à des amis catholiques et des amis philosophes de la Sorbonne. Et c'est la raison pour laquelle ce texte est très philosophique d'une certaine façon, et universitaire. Et il faut ne jamais oublier que mon père, ce livre est posthume. Il est mort en 58. Mais il avait rassemblé ces textes en vue d'une éventuelle publication. Elle n'a eu lieu que presque 10 ans après sa mort. Ça s'adresse donc à des publics différents selon les, par exemple, si je regarde le 11e texte, Panagia, ça a été prononcé en Angleterre dans le cadre de l'amitié Saint-Alban et Saint-Serge. Donc en anglais, mon père ne l'a pas dit en anglais parce qu'il n'aimait pas. Il connaissait très bien l'anglais, mais il n'ouvrait pas la bouche en anglais. Il l'a dit en français, et c'était en fait publié d'abord en anglais. Et chacun de ces textes se rapporte à donc des contextes différents. La plupart du temps, pour ses amis qui étaient tous des disciples d'Étienne Gilson, et c'est dans ce sens que vous avez tout à fait raison de dire qu'il était spécialiste, mon père, de la pensée occidentale, moyenâgeuse, et comme je l'ai dit dans une conférence qui est citée dans le... Il considérait que quand on lui demandait de parler de l'orthodoxie, c'était pour lui une perte de temps, entre guillemets, parce que ça l'obligeait à ne pas continuer ce qu'il faisait tous les jours. C'est l'écriture de sa thèse sur Meister Eckhart, que nous connaissons maintenant, évidemment, et qui est maintenant traduite en russe également, dans d'autres langues. Alors, en fait, donc, ce sont des textes disparates, d'une certaine façon, mais où il y a une certaine logique. Par exemple, quand vous prenez la conférence qui s'appelle « Du troisième attribut de l'Église, la catholicité », le chapitre suivant, qui a été dit dans d'autres circonstances, ou écrit dans d'autres circonstances, « La conscience catholique, implication anthropologique du dogme de l'Église », c'est là que se situe, si vous voulez, le centre de la pensée de mon père sur la personne humaine. Et c'est extrêmement important, le lien entre les deux, c'est-à-dire la catholicité dans le troisième attribut de l'Église et la conscience catholique que vous et moi et chaque baptisé est appelé à atteindre. Il y a donc une certaine logique dans la mise ensemble de ces textes. Mais mon père ne les a jamais vus publiés. Alors, ça, c'est le premier compliment qu'on peut faire aux éditions du CERF, c'est de l'avoir enfin publié parce qu'il est épuisé depuis longtemps. La première édition d'Aubier, de 67, il y a longtemps qu'elle est épuisée, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner par rapport à ce que le CERF a fait, c'est la même chose que ce qui a été fait pour la théologie mystique de l'Église d'Orient, qui date de 1944. C'est que le jeune dominicain Solius Rumschas, qui est un Balte, comme son nom l'indique, je ne sais plus très bien de quel des trois pays, mais enfin bon, a écrit une préface pour la théologie mystique, et ce qu'il appelle un avertissement, très modestement, alors que c'est beaucoup plus, pour à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est d'une qualité remarquable, ces deux textes, où ce catholique montre à quel point ses livres, notamment la théologie mystique, qui se complète avec l'autre, bien sûr, puisque finalement, l'autre représente, comme il dit, à juste titre, d'une certaine façon, le dernier état de la pensée de mon père, parce que ça va pratiquement jusqu'en 57, et il est mort en 58. Il y a là donc une continuité et en même temps un approfondissement de ce qu'on trouve dans Essai sur la théologie mystique, et c'est extrêmement important pour nous qui, disons, nous nourrissons de la théologie orthodoxe, de mettre les deux livres ensemble. Il ne manque plus au CERF que le texte, le livre que mon père en fait a fait avec ses conférences à la Sorbonne, Vision de Dieu. Vision de Dieu n'est pas encore réédité parce qu'on n'a pas encore les droits. Vision de Dieu, c'est sur l'hésychasme et le palamisme. C'est extrêmement important et intéressant. Je signale en passant que le troisième chapitre de À l'image et à la ressemblance, je me souviens très bien que quand il a prononcé cette conférence chez les philosophes, et où il y avait tous les catholiques, les Danielou, Congar, tout c'était là. Il appelait ça la théologie de la lumière chez Saint Grégoire de Thessalonique. Et ensuite, ça a été corrigé. On a mis Palamas parce que Palamas à l'époque était un mot que les catholiques recevaient fort mal à cause de Jugi. Donc mon père avait évité de l'appeler par son nom et il a seulement développé sa pensée et ensuite dit que c'était Palamas. Et alors, dans le livre maintenant, c'est Palamas et les catholiques écrivent maintenant des livres sur Palamas. Et de très bons livres, en Belgique en particulier. Il y a des études sur Saint Grégoire qui ne sont pas moins bonnes que celles que les orthodoxes ont faites. Et aujourd'hui, Saint Grégoire Palamas est reçu par les théologiens catholiques, sérieux, et de façon tout à fait normale. Alors, ça, c'est un détail. L'autre qualité de cette édition, c'est qu'à la fin du livre, il y a... Bon, je passe sur les fautes de grec. Elles existent, mais avant ça, il y a une liste de bibliographique des pères dans les éditions des sources chrétiennes. Donc, moderne, avec tout ce qui est cité par mon père, il y a maintenant, à la fin du livre, les différents auteurs dans leurs éditions modernes des sources chrétiennes. Comme on sait, les sources chrétiennes viennent de sortir le 500e volume. Qui... Et c'est toujours au CERF, la collection des sources chrétiennes, oui, c'est toujours le CERF. C'est le CERF à Lyon, c'est pas tout le CERF à Paris. Je voulais vous poser une question concernant sa manière d'organiser sa pensée, de la présenter par exemple pour la première des conférences, l'apophase et la théologie trinitaire. La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis demandé pourquoi un théologien orthodoxe présentait de cette façon-là quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de le voir ainsi, il faut le dire. Et puis, évidemment, c'est le fait que ce document a été écrit en 1944, comme vous avez dit, et que c'est dans un contexte très différent de ce que nous pouvons imaginer, qui n'est pas théologique et surtout qui n'est pas orthodoxe. C'est donc une manière de faire une apologie, si vous voulez, de la tradition orthodoxe face à un monde différent, qui est celui certainement des philosophes à l'époque, et aussi de la théologie catholique, qui n'est pas encore imprégné ou très intéressé par ce qui se passe en Orient. Ça explique cette organisation très philosophique, si vous voulez, comme vous disiez tout à l'heure, de l'ouvrage ou en tout cas de certaines pages, mais qui n'enlève en rien sa profondeur théologique. Et je crois que c'est même la grande qualité de ça, c'est de pouvoir parler également à des gens qui ne sont ni habitués à la théologie, ni forcément ouverts à un langage théologique. Pour prouver que la théologie, c'est pas quelque chose de complètement abstrait. La théologie, comme nous l'entendons, nous, évidemment. Alors, évidemment, il part de l'apophase, c'est-à-dire cette manière négative, dit-on parfois, j'aime pas beaucoup ce terme, enfin bon, cette manière de parler de Dieu en disant ce qu'il n'est pas, et pas ce qu'il est, parce que nous ne pouvons pas le faire. Un terme qui vient de l'Antiquité et que, évidemment, les pères chrétiens ont beaucoup utilisé. Alors, quels étaient les points fondamentaux, si vous voulez, dans sa pensée qui le conduisaient à présenter la tradition orthodoxe de cette manière-là ? Eh bien, c'est précisément dans la ligne des pères du IVe siècle, surtout, mais pas seulement. On le retrouve au XIVe avec Saint Grégoire Palamas. C'est cette manière de présenter précisément toute pensée sur Dieu, comme vous avez dit, d'une manière négative, comme l'a fait le Concile de Chalcédoine en disant à propos des deux natures du Christ qu'elles n'étaient ni ceci ni cela, etc. C'est une manière d'éviter d'affirmer. Ça, c'est la manière cataphatique, c'est-à-dire positive, qui n'est pas du tout exclue par l'apophase. L'apophase, c'est une manière de parler de Dieu sans parler de Dieu, sans affirmer quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas définir Dieu autrement qu'en disant ce qu'il n'est pas. Et ça amène à une forme de théologie cataphatique, c'est-à-dire positive, qui est, elle, non pas une théologie mathématique, je me permettrai ce terme, mais un dépassement qui aboutit simplement, entre guillemets, à la contemplation du mystère de Dieu. Autrement dit, l'apophase, la théologie négative, bon, c'est une manière... Bon, apophatique, c'est un peu jargonnant pour certains publics, alors donc il faut quand même dire que ça veut dire théologie négative. C'est une manière de dépasser notre état spatio-temporel dans lequel nous sommes, et dans lequel nous ne pouvons pas nous empêcher de dire avant, après. Par exemple, le Père est avant le Fils, etc. Et ça, c'est terrible. Chaque fois qu'il m'arrive dans mes cours de parler de la Sainte Trinité, Je dis toujours, si je dis avant, je barre le mot, j'enlève le mot, parce qu'il n'y a pas de temporalité, on ne peut pas, on ne doit pas introduire dans la Trinité éternelle des termes spatio-temporels. Et c'est la raison pour laquelle mon père était aussi mon professeur de dogmatique. Alors j'ai donc appris pas seulement à la maison, mais aussi en me faisant traiter de tous les noms, parce que, étant son fils, je devais nécessairement tout comprendre. Comprendre non pas au sens intellectuel, mais au sens... Il nous disait toujours au début de l'année, si jamais vous me récitez ce que je vous ai dit pendant l'année, vous avez perdu, vous avez raté. Moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à penser en théologie. C'est-à-dire, les pères, pour lui, sont ceux qui ont dit ce qu'ils ont dit à leur temps, mais d'une façon telle que certaines de ces choses sont pour tous les temps. Eh bien, notre rôle à nous est de faire de la théologie comme les pères l'ont fait, pour notre temps. Et c'est ça qu'il entendait quand il nous disait à nous étudiants, dont Olivier Clément, par exemple, a été son étudiant. Moi, je l'ai été bien avant lui, parce que... peu importe... c'est que nous devions apprendre à créer, à penser, à témoigner de la révélation, de la plénitude de la révélation pour l'aujourd'hui. Et donc, faire comme les pères. Et d'une façon terrible à dire, nous devrions être les pères de notre temps. Écoutez, ceci nous amène à parler de l'esprit. Bien sûr, une conférence, un chapitre qui s'intitule « La procession du Saint-Esprit dans la doctrine trinitaire orthodoxe ». Nous savons que c'est un sujet difficile et que c'est en partie, en tout cas, à l'origine du schisme avec l'Église d'Occident. C'est le fameux « filioque ». Il présente ça et puis, évidemment, il a beaucoup développé tout ce qui a très au Saint-Esprit, parce qu'il faut le dire qu'à l'époque, les théologiens catholiques n'étaient pas vraiment portés sur ce genre de choses et d'études, et cela sonnait comme quelque chose d'un peu nouveau à l'époque. Il faut lire ces pages parce qu'elles sont très importantes pour comprendre la théologie orthodoxe, bien sûr, mais également pour comprendre les difficultés de cette époque-là. Je crois que ça, c'est très important. C'est exact. Il y a quelque chose que je voulais de toute façon soulever à propos de ce chapitre qui a été écrit en 48. C'est que les gens lisent le texte, mais rarement les notes. Or, je regarde à la page 69, la note numéro 3 nous dit, après que mon père ait dit au début que lui, ce qui l'intéresse, ce dont il s'occupe, c'est uniquement la théologie trinitaire, pneumatologique, la procession du Saint-Esprit, telle que comprise en Occident au XIIe et XIIIe siècle. Et il ajoute dans la note numéro 3, une étude sur le « filioquisme » entre guillemets des conciles espagnols des 5e, 7e siècle serait d'une importance capitale pour qu'une appréciation dogmatique de ces formules puisse avoir lieu. Ici, le service désintéressé de la théologie historique pourrait être réellement utile pour l'Église. Autrement dit, mon père n'excluait pas du tout, et d'ailleurs ça apparaît à la fin de son texte sur la procession du Saint-Esprit, n'excluait pas une compréhension orthodoxe du filioque. C'est-à-dire, il dit à la fin que peut-être la même chose est vraie de saint Augustin, qu'on accuse de filioquisme quand on est orthodoxe un peu simpliste. Et je me souviens quand on a fait un numéro spécial de Contact, cette revue franco-française de l'orthodoxie, on a fait un numéro spécial pour les 20 ans après la mort de mon père, le Monseigneur Basile Krivosheïn, qui était un grand spécialiste des Pères de l'Église, a dit dans son texte qu'il a écrit, « S'il avait été là, il n'aurait permis à aucun orthodoxe de dire que saint Augustin est un hérétique. » Et ça, c'est vrai. là, dans ce texte, on le voit. Et il était très attaché à saint Augustin. Et il n'a pas eu le temps, parce qu'il est mort très jeune, il est mort à 54 ans, en 1958, de faire l'étude des conciles espagnols, ni d'approfondir la question du filioque chez saint Augustin. Mais moi, j'ai été obligé de le faire pour mes propres recherches. J'ai étudié les conciles espagnols, et je me suis rendu compte qu'effectivement, chez eux, à part le fait qu'ils ont introduit dans le credo à la fin du VIe siècle le filioque comme tel, et c'est ce que Charlemagne a trouvé quand il est allé en Espagne et qu'il a ramené en Gaule, enfin en Francie, et il a essayé de le faire avaler à Rome, mais ça n'a pas marché. Rome a refusé, et c'est là que Rome a mis les deux plaques à l'entrée de Saint-Pierre, en grec et en latin, l'original du credo. Et moi, je me suis rendu compte que le fait de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils chez les Espagnols était uniquement une manière de affirmer le fait qu'il n'était plus à rien. Et quant à Saint-Augustin, en fait, quand il parle du Saint-Esprit, il dit, et ça c'est malheureusement une faute de latin que font pas mal de latins, il dit, il procède du Père principaliter. Et alors, certains comprennent ça comme signifiant surtout. Mais ça ne veut pas dire ça du tout. C'est comme principe. Et donc, c'est tout à fait orthodoxe. Autrement dit, j'ai été obligé, moi, d'étudier, et je continue à étudier saint Augustin de ce point de vue-là. C'est intéressant quand il parle de la Trinité éternelle, il parle du Père, puis du Fils, et puis quand il arrive au Saint-Esprit, il dit « Le Saint-Esprit est le don à la créature ». Autrement dit, on change complètement de niveau. Écoutez, ce livre est tellement riche, comme d'ailleurs l'essai sur la théologie mystique de Maurice d'Orient, que nous n'aurons jamais assez de l'étudier et de revenir et de réfléchir là-dessus. Donc, nous remercions les éditions du CERF vraiment pour avoir réédité ces deux ouvrages. Je rappelle, ça s'intitule « À l'image et à la ressemblance de Dieu ». Et l'éditeur, comme vous avez dit, a rajouté des index très intéressants qui renvoient également aux textes patristiques, tous édités aux sources chrétiennes, c'est-à-dire également par le CERF. Merci beaucoup. C'était donc « À l'image et à la ressemblance de Dieu », la réédition du livre de Vladimir Lossky. Notre prochaine émission, dimanche 21 janvier, ce sera sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, avec le père Michel Malèvre pour l'Église catholique, le pasteur Gilles Daudet pour la Fédération protestante et Michel Stavroux pour l'Église orthodoxe. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis, chargé de réalisation Sylvie Migaud, technique Philippe Carminati. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris-Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.